Chapitre 45. Cinq minutes après, Adolphe se trouvait dans sa voiture avec sa mère. Celle-ci, délivrée enfin des regards curieux qui la poursuivaient, voulut prendre son fils dans ses bras. Mais elle sentit en lui un mouvement de résistance qui la stupéfia. Son fils la repoussait, son fils. Jusqu'à la rue des Vieilles Haudriettes, la route se fit en silence. Adolphe se tenait morne dans un coin du coupé, Madame Dalifard, suffoquée par l'indignation et la douleur, dans l'autre. « Félix ?» demanda Adolphe en descendant de voiture. Ce fut son premier mot. « Il ne doit pas être couché. Son oncle Ferdinand l'amuse pour qu'il ne s'endorme pas. Depuis 2 mois, il a été très bon pour lui, ton oncle Ferdinand. Je ne le croyais propre à rien, mais il s'est amusé les enfants. » Adolphe montait rapidement l'escalier. En arrivant dans l'entrée, il entendit des éclats d'une voix enfantine qui riait et criait. Il fut obligé de s'arrêter. Étouffé par l'émotion, il s'assit sur une chaise. Sa mère, qui l'avait suivi, voulut lui prendre la main. Il se leva vivement et entra dans le salon. Au bruit que fit la porte, l'enfant, qui était à cheval sur le dos de son oncle marchant à quatre pattes, dégringola à terre et vint se jeter dans les bras de son père. Mais après l'avoir embrassé, il se dégagea de son étreinte. « Maman, » dit-il, Adolphe chancela. Si son oncle ne l'avait pas soutenu, il serait tombé. « Ah, ce coup !» murmura-t-il. « Quelle condamnation !»« Oui, maman, » répéta l'enfant. « Tu ne la ramènes donc pas avec toi ?» On lui avait dit que son père et sa mère étaient en voyage. Il ne comprenait pas que l'un revint sans l'autre. Ne les avait-il pas toujours vus ensemble près de lui ? « Maman, je veux maman !» Adolphe fit un effort pour ne pas se laisser abattre par l'angoisse qui l'étreignait, mais les larmes l'étranglaient. « Tu ne verras plus ta maman » dit-il enfin d'une voix que les sanglots rendaient à peine perceptible. L'enfant recula et le regarda avec ses yeux profonds qui vont si loin. « Il faut que tu saches la vérité, malheureux enfant. Ta maman est morte. » L'enfant resta un moment comme s'il ne comprenait pas. Puis, tout à coup, poussant un cri et fondant en larmes, il se jeta contre son père. Celui-ci le prit dans ses bras et le promena à travers le salon comme s'il avait porté un enfant au maillot. « Oui, pleure, » dit-il, « pleure. Nous la pleurerons ensemble. » Et leurs larmes se mêlèrent. Madame Dalifard était restée debout près de la porte. Elle sortit sans bruit. Et l'oncle Ferdinand alla se mettre dans un coin, où il pleura lui-même silencieusement en regardant ce père infortuné qui serrait dans ses bras cette pauvre petite victime. Pendant longtemps, Adolphe marcha ainsi. L'enfant sur ses bras ne faisait pas un mouvement. On entendait seulement, de temps en temps, ses sanglots. Puis, peu à peu, les sanglots furent remplacés par des soupirs. Puis enfin, la respiration se rétablit, calme et régulière. Il s'était endormi. La cruelle impression qui venait de l'atteindre avait passé sur son cœur comme un nuage passe sur le soleil. « Il dort, » dit l'oncle Ferdinand en s'approchant doucement. « Veux-tu que je sonne pour qu'on vienne le coucher ?»« Non, je voudrais le coucher moi-même. »« Eh bien, viens dans ta chambre. J'ai fait mettre son petit lit à côté du tien, car je t'attendais, moi. »« Vous êtes bon, mon oncle. Viens. » Mais tout était sujet d'émotion pour Adolphe dans cette maison. Cette chambre où son oncle le conduisait, c'était celle où pendant 5 années il avait vécu avec elle. Ce parfum qui le saisit au cœur, c'était le sien. Tout était plein d'elle et cependant, quel vide! Ses murs, ses meubles parlaient, mais on n'entendrait plus sa voix. Ils déshabillèrent l'enfant assez maladroitement. Malgré leurs précautions, le froid des draps le réveilla. Il ouvrit les yeux, regarda longuement son père, puis d'une voix dolente, « Tiens-moi la main, » dit-il, et il se rendormit. Alors, au bout de quelques instants, Adolphe, sans lui abandonner la main, fit signe à son oncle de s'approcher et, parlant à voix basse, « Mon oncle, » dit-il, « je quitte cette maison. Je quitte la France pour aller me cacher en Suisse, dans un chalet où j'étais heureux avec elle. « Voulez-vous venir avec moi ? Vous l'avez aimée, elle vous aimait. Nous parlerons d'elle ensemble. Et puis vous m'aiderez à élever mon fils. Il a de la tendresse pour vous. Vous savez bien des choses que j'ignore. Vous les lui enseignerez. À nous deux, nous tâcherons d'en faire un homme. Je suis à toi. Nous partirons demain matin par le premier train de Genève. Madame d'Alifard était entrée sur ces derniers mots. « Tu veux partir ?» dit-elle. « Je vais en Suisse, aux Avants. Pour longtemps, pour toujours. Et Félix, je l'emmène avec moi. Tu m'abandonnes ? Tu m'enlèves mon petit-fils ? Perds-tu la raison ?»« Par malheur, je ne l'ai pas perdu. Mais si là-bas je peux perdre le souvenir, je reviendrai. » Tu ne sais pas ce que tu fais, tu es sous l'empire de la fièvre. Depuis 2 mois, ma résolution est prise, et chaque soir, dans ma prison, je me suis dit que si j'étais acquitté, je fuirais cette maison, je quitterais la France. Si tu as quelque pitié pour mes souffrances, je t'en prie, séparons-nous sans reproche, et n'ajoutons pas un mot à ce qui vient d'être dit. L'un et l'autre nous serions entraînés trop loin. Tu es ma mère. Et toi, malheureux, tu n'es plus mon fils. » Elle sortit. Le lendemain, Adolphe partit par le train du matin avec son fils et son oncle. Quand les commis arrivèrent, rue des Vieilles Audriettes, à l'heure de l'ouverture des bureaux, ils trouvèrent Madame d'Alifard debout sur l'horloge comme au beau temps où seule elle dirigeait sa maison. Plusieurs étaient en retard, car on s'était arrêté dans la rue pour discuter l'acquittement de la veille. Chacun marchait en lisant le journal. Et l'on s'abordait en poussant des exclamations. Car si la majorité des commis avaient tenu pour l'acquittement, quelques-uns avaient cru à une condamnation, Flavien entre autres. « C'est une indignité, disait-il. Ce jury est idiot. Combien faut-il assassiner de personnes pour être condamné maintenant ? Vous auriez condamné ? À mort. Aussi je ne reste pas dans cette maison. Je quitterai à la fin du mois. Je ne pourrai pas voir M. Adolphe. » Lutzius arriva le dernier. « Vous êtes en retard de 14 minutes, » dit Madame d'Alifard d'une voix sèche. « Il faut tâcher de prendre d'autres habitudes. Je vous préviens que j'y veillerai. » Et elle passa dans son cabinet. On sut bientôt dans les bureaux qu'Adolphe était parti le matin pour l'étranger, emmenant son fils. « Il s'est fait justice lui-même, » dit Flavien. Vers 10 heures, Pomo fut obligé d'entrer dans le cabinet de Madame d'Alifard. Il en ressortit aussitôt la figure bouleversée. « Que se passe-t-il donc ? » demandèrent les commis. « La patronne qui pleure. Elle est tellement accablée qu'elle ne m'a ni vu ni entendu. »« Enfin !» dit Flavien. « Pour la première fois de sa vie. »« Elle est debout, » continua Pomo. « Et ses larmes tombent goutte à goutte sur le grand livre. »« Elle pleure sur le grand livre ?» s'écria Lutzius. Ça va faire des pâtés. C'est ainsi que se termine Une belle-mère d'Hector Malot.